On peut prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais parce que c'est ton temps qui est le meilleur. Merci Père de gloire pour cette famille que tu as fait venir de Yaoundé. Merci pour la maman de Jules et de Mireille. Merci pour leur voyage. Merci parce que tu as disposé le temps pour qu'elle soit là maintenant. Nous te soumettons toutes choses maintenant afin que c'est toi qui convainc de justice, de péché et de jugement. C'est toi qui conduis toutes choses maintenant. C'est toi qui l'as amené ici et c'est toi qui as la solution pour ces problèmes. Que ton nom se soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue, maman. Merci. Tu es content. Hein? Très content, même. J'imagine que tu as parlé de toi dans la nuit, bien avec elle. Parce que je m'as dérangé. Comment, raconte-moi. Non, non, il voulait que je salue madame, non. Que je dis qu'on a bien voyagé. Je dis que tu l'appelles là. Il dit non, il ne peut pas la déranger. Et il demande comment Mireille va. Mireille est fatiguée. Il dit que non, appelle Mireille. Ne me dérange pas, Jules. Vous avez quitté Yaoundé à quelle heure? 16h. Oui. Vous avez vu, non, vous avez roulé lentement. Parce que vous avez 19h. 20h. Il roulait, il s'arrêtait. Hein? J'étais trop lent. Oui, mais c'est bon, non? Quand vous voulez doucement, vous aurez souhaité qu'il roule vite, pas faire l'accident. Et j'attendais Mireille, comme elle rentre de l'école. Avant de venir. Oui. Ah, que Dieu vous bénisse. Vous avez l'air déjeuner. Vous avez l'air déjeuner. Oui. Ma femme vous a bien accueilli. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Vous êtes sûr qu'elle est gentille? Mais avant mon arrivée, j'ai vu. Comment tu dis? Mais avant de venir, je savais comment elle est. Mon cœur, c'est mon cœur qui fait. Ton cœur a témoigné que oui, non. Oui, oui, oui, que là où je parlais, là c'est ma voix. Mireille, ça va toi? Tu vois comment tu as changé? Je pose déjà la question par rapport à elle. Elles sont venues ici avec son frère la dernière fois et je leur ai dit que je vais dire certaines choses maintenant. J'ai dit. Votre maman, il faut qu'il ferme ici. Attends. Je crois que les bruits, les jingles, voyez, ça a bien mixé, non? Quand elle est venue, je pose la question par rapport à elle seulement. Comment elle est venue, elle est rentrée, elle a changé. Elle a bien changé. Elle a mangé quoi, aussi à Douala, alors, pour changer? C'est le Seigneur qui l'a changé. Seigneur, Donc tu étais content d'elle? Très content, je suis venue à Douala aller-retour. Elle m'a obligé de venir aller-retour. Le frère Junior il est empêché, mais pas quand même. Oui, j'étais empêché, mais j'étais bloqué. Oui, comme par exemple, hier où vous êtes venu là, oui. J'étais fini seulement de fatigue. Je me suis couché au lit, ma femme est venue mettre la nourriture sur le lit. J'ai regardé la nourriture comme ça là, mais il n'y avait pas la force pour pouvoir me lever pour manger la nourriture. C'est à 4 heures que je me suis levé, j'ai vu encore la nourriture sur le lit. La nourriture était déposée sur le lit. Sur le lit, j'ai regardé comme ça là. Elle était aussi allée se coucher de l'autre côté. Elle me suis tourné, j'ai vu, elle était couchée là. Je me suis levé la nuit, j'ai mangé doucement, j'ai laissé l'assiette là, c'est le matin qu'elle a porté l'assiette. Donc j'étais fatigué au point où je n'avais pas la boucle. Mon téléphone était couché sur le truc, j'avais mis en oreille, couché là. Il me disait qu'il m'avait donné dormi une heure et je viens vous saluer. Mais comme vous étiez aussi fatigué, j'ai dit, je pense qu'on va se voir de toute façon. Oui. Tu as bien dormi, non? Très bien, même. Mireille, raconte alors, ça se passe comment à Yaoundé? On a dit que c'est toi que, la dernière fois, on a dit que c'est toi que tu portes que tu portes le plateau sur la tête. Oui. Ça veut dire que personne n'était pas. Deux semaines sans. Sans en parler à quelqu'un. Mireille, Interrogate-toi. Non, oui, bon. Tu dis que vous allez vous réunir, vous dites que qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Alors, ce que tu as constaté dans sa vie, c'est ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. C'est la puissance de la résurrection que Jésus utilise pour changer les gens. D'accord? Oui. Et tu n'es pas aussi venu pour rien. Parce que tu as aussi un cas. D'accord? Tu as des cas, on va en parler. Et à un moment donné, je vais la faire quitter ici pour parler avec toi. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne connaît pas. Donc on va parler. Des choses que c'est seulement toi et Dieu qui connaissaient. Et maintenant, quand je vais parler de ces choses-là, tu vas savoir que Dieu est au courant de toutes les choses qui se cachent. D'accord? Tu as remarqué que quand ils sont rentrés de Yaoundé, ils ont demandé de quoi se passer, ils ont demandé bien, non? Bien. Dans ton compte, tu regardes seulement pour observer ce qui se passe vraiment, pour voir comment. Oui. C'est ça, non? Oui. Que je vais les suivre pour voir. Tu faisais comme si tu ne voyais pas, mais tu observais leur comportement. Oui. Tu observais. Oui. La nuit, tu faisais comme ça comme maman. Tu as même parlé au patron un jour la nuit seule. Oui. Qu'est-ce que c'est vraiment passé à Douala avec mes enfants? Ils rentrent. Ils comment? Ça passait comment? Bien. Eux ne parlent pas, c'est comment? Bien. Ils mangent, on est fatigué. N'importe qui passe, c'est bouché. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, pourquoi il est parti ou avant? C'est le quoi? Je regarde les enfants me regardent. Je ferme ma bouche. J'arrive mon cœur. Bien le dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. On a le cœur, le peur dans mon cœur. La peur, mais dans la peur. Arrivé, oui. Mais maintenant, les voilà. Et tu as vu maintenant qu'ils ont transformé. Et Gilles a été transformé. Et Mireille a été transformée. Selon toi, c'est le lendemain qu'ils m'ont expliqué. Mais celle-ci a dit, m'a dit que non. Tu vas seulement voir avec tes yeux, ne dis rien. Mais elle m'a montré. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Donc Dieu est merveilleux. Dieu est capable de transformer les gens. Oui. Voilà. Alors, on appelle donc ça, donc, c'est ça qu'on appelle la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que les gens confondent la relation avec le Seigneur Jésus-Christ à la religion. Les gens vont dire, je m'en vais à l'église et autres, mais le comportement ne change pas. Oui. Tu vois, les gens vont, comme on dit, on va à l'église, d'autres sont, nous sommes des champions, d'autres sont des pasteurs. Oui. Mais le comportement ne montre pas que ça, c'est le comportement de quelqu'un qui va à l'église, comme on dit. Tu vois. Alors, quand on est en contact, quand on vient en contact avec le Seigneur Jésus-Christ, il transforme des vies. Quelqu'un qui mentait ne ment plus. Quelqu'un qui était violent n'est plus violent. Celui qui était malade est guéri. Là, Jésus est vivant. C'est ça qui les a touchés. Le jour où elle est venue, elle était exact là, à la position où tu es là maintenant. Et je lui ai dit quelque chose. Je ne sais pas si elle t'a raconté. Tu veux bien lui raconter? Tu veux lui raconter toi-même? Non, on laisse ton cas, d'accord? Oui, on laisse ton cas. C'est elle. Donc c'est son cas maintenant. Son cas pouvait y passer. Non, pouvait y passer. Donc elle était là alors que je lui ai dit quelque chose. Elle-même ne pouvait pas savoir. Son frère était assis là. J'ai dit que tu y a telle chose. Elle me même son frère comme ça. Mais quand on a fini, elle a su que vraiment il y avait cette chose là. C'est Jésus faisant. D'accord. Dieu a le pouvoir pour transformer. Et je crois que même quand tu vas rentrer, ils vont les transformer. On va dire, mais c'est quelle maman? Qu'est-ce qui se passe à Douala? Qu'est-ce qui se passe à Douala maintenant là, que chaque fois, chacun va à Douala, il est transformé. Dieu veut transformer votre famille. Vous avez une grâce dans votre famille. Transformer toute la famille. Toute la famille. Dieu veut transformer. D'accord. Il a pris deux personnes déjà, Mireille, transformé. Tu as vu comment Dieu a fait? Il va être transformé en deux de la famille, transformé. D'accord. Mais pour cela, on va beaucoup parler. Donc tu es la bienvenue. Vous avez déjà déjeuné. Donc, quand ils étaient ici, j'ai dit que le moment va arriver, votre maman elle-même va descendre. Ils m'ont dit. Ils ont dit que tu auras besoin de descendre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'a fait donc que tu veux aussi descendre alors? Tu sentais que dans ton cœur, il faut que tu descendes? Oui. Donc, c'est Dieu faisant. Bienvenue. Tu as remarqué les gens qui sont là depuis le matin, non? Oui. Tu as vu comment les gens viennent? Oui. Quand il avait fini avec vous, je ne sais pas si on peut finir aujourd'hui. Comme ça, vous voyagez, toi tu voyages quand? Ça ne dépend pas de moi, papa. Ah. Ça ne dépend pas de moi. C'est Dieu qui décide. Tu es content quand tu es là, tu as senti la peine, n'est-ce pas? Tu as vu votre chambre, même notre chambre a dormi non fermée. J'ai vu, j'ai vu. Notre chambre a dormi comme ça. Les portes ne se ferment pas, on ne ferme pas les portes. Mireille m'avait dit. Elle avait dit ça, elle allait mettre ça. Tu as dit qu'on donne, chacun donne une porte. De toute façon, elle était fière. Quand tu es fière, vraiment. Le jour que je suis venu, j'ai fait l'aller-retour là. Tu sais que je suis trop fâchée. Donc, t'as quelque chose. Une petite chose, ça t'irrite beaucoup. Je me fâche. Mais le jour-là, j'avais la paix. Tu étais calme. Calme, pas de problème. Jusqu'à maintenant. Je n'étais pas fâchée. Amen. Donc, c'est Dieu faisant. J'avais dit que mon temps n'est pas encore venu. Tu vois, vous avez vu les militaires là? Oui. Les gens des billes. Les gens qui ils ont des problèmes. Ils sont là. Quand tu as vu les militaires, tu as eu peur. Non, j'ai peur. Ici, là, ils étaient dans la chambre. C'est comme ça, la maison est ouverte, comme vous pouvez ouvrir partout. Là. C'est comme ça. Donc, si tu es prêt, maintenant on commence. Oui, papa. Mais première chose, dès qu'on va finir ici, il faut être baptisé. Tu es prêt aussi? Oui. C'est comment? Oui, parce que faut que je te dise d'abord. Oui. Parce que je ne veux pas cacher quelque chose dans mon cœur sans te dire. Oui. C'est vous avez le chemin de la vérité. Le Seigneur Jésus est le chemin de la vérité. Oui, la vérité. Oui. Je suis là seulement pour l'indiquer, n'est-ce pas? Oui. C'est que quand j'étais petite, ma mère m'avait baptisée. Bon. quand nous sommes entrés dans la Bible, on a lu la Bible, oui. On a dit que pour te baptiser, on te baptise dans l'eau. Dans l'eau. On ne te baptise pas au nom du Père. Oui, quand c'est comme ça, c'est que tu n'es pas baptisé. Oui. Tu m'avais dit ça, j'ai dit non, je suis déjà baptisé. Mes parents m'avaient déjà dit, si tu fais comment, n'importe comment, je ne peux pas aller me baptiser dans l'eau. Non, je ne peux pas l'eau là. Je ne peux pas baptiser. Non, non, non. Maintenant, mon cœur dit ça manque, pardon. Donc tu as été baptisé maintenant. Oui. Donc ça veut dire qu'avant tu étais du. Maintenant tu es seulement prêt. Amen. Donc on va te baptiser tout à l'heure là, d'accord. On t'avait baptisé où? Long, ok. On va aller te baptiser. On va, vous allez là ensemble. Comme ça tu vas voir là on l'avait. Elle va t'accompagner, d'accord. On va te baptiser. Brrr, tu es fait sortir de l'eau. D'accord. J'ai compris. Même toi aussi sera transformé. Tu voudras être en paix tout à l'heure comme elle est là comme ça. Autre chose, maman. Bon. Pose toutes les questions avant que moi je ne commence à parler. Comme je veux me baptiser là. Oui. Et les enfants. Quel enfant? Ses petits frères. Et on va faire comment pour aussi les baptiser? Ne t'inquiète pas, je t'avais dit que quand ta maman va descendre ici à Douala, par la suite, je vais te dire ça à Yaoundé. Tu veux pas qu'il vienne chez toi, maman? Oui, je veux. Et puis là, il dit à Dieu que. Il faut juste dire que non, il a dit que si tu ne pars pas là-bas. Oui. Donc je dis que quand tu vas descendre à Douala, moi je veux venir à Yaoundé. Celui qui a le passé, il sort de Yaoundé. Lui-même sort de Yaoundé, il est à Ondja. Oui, il a dit ça. Avant, il habitait chez toi là-bas à Mimoma. On passe le comme qui est là-bas. Oui. Là, le goudron fini. Il habitait d'abord là-bas, il habitait là à Ondja. Donc c'est ça que quand on a besoin d'indiquer, il vient de temps en temps à Yaoundé. D'accord, si tu veux qu'il vienne, je veux, je veux. On va venir, on va parler parce qu'il faut qu'on prie même pour ta maison. On prie dans la maison. Ça va aller, d'accord. Mais la lumière est déjà rentrée chez toi. Il faut seulement que vous maintenez maintenant avec le Seigneur Jésus, que rien ne vient plus vous déranger. D'accord. Mais tu as besoin de la prière parce que tu as le poison de nuit dans le ventre. Tu as mangé le poison dans la nuit. Tu me suis ce que je veux dire. Donc, ceci arrive de telle enseigne que tu es au milieu des gens qui font la festivité. C'est-à-dire qu'une fête. Où tu, ça c'est le rêve. Dans le rêve, si on était t'expliquer ce qui est dans ton corps. Parce qu'on va prier, il ne faut pas que tu. À elle, j'explique des choses d'abord avant d'avancer. Oui. Toi, tu es devant moi maintenant, je dis, tu as le poison dans le ventre. Ça, c'est le poison qu'on a donné dans la nuit. Mm-hmm. Et c'est venu par la réunion. Ça, c'est une réunion que dans le songe, tu vois dans le songe, tu es parmi les gens. Et parmi ces gens, il y a des gens même qui sont décédés. Tu me suis vraiment. Oui. Voilà. Comment tu me regardes encore comme ça là? J'ai dit, moi, je vais parler. C'est-à-dire qu'on fait le rêve où on est dans un endroit, une festivité, comme si on avait dansé. Et dans cette festivité, c'est quelque chose qui est constant. On voit des gens apparaître même dans ces songes-là que les gens qui sont morts. Et il y a même des gens qui ont des masques. Pourquoi tu bouges seulement la tête comme ça? Parce qu'il y avait aussi vu dans le rêve. C'est ça que je suis en train de l'expliquer. Que, je suis en train de lui dire que tu es allé quelque part. Je suis en train de dire que ça, c'est dans le rêve. Et ces rêves-ci, c'est le poison qu'on lui dit de donner. Comment tu sens d'expliquer ton rêve que tu as vu, ça c'est des rêves que tu as. Et je sens de te dire, je sens de parler de l'origine. Est-ce que tu m'as parlé de ça? Non. Je sens de te dire que je veux te parler, c'est pour ça que tu es ici devant moi. Oui. J'ai dit dans les enseignements que quand quelqu'un va voir un homme de Dieu, c'est pas à toi de poser les problèmes. Là où tu es, il y a des problèmes que tu ne sais même pas que tu as. Oui. Je suis obligé de te parler de ça avant de t'en délivrer. Oui. La puissance du Saint-Esprit est disponible pour cela. C'est pour ça que tu es là. D'accord. Si c'est le temps de Dieu, c'est son temps à lui. Il m'a envoyé pour cela, pour délivrer ceux qui sont sous le joug de la servitude. Satan doit quitter la vie des gens. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que tu as le poison qu'on a donné, c'est dans ton ventre, ça habite dans ton ventre. Ça te tue à petit feu. Ça te tue à petit feu. Je vais te donner les manifestations, même les manifestations que tu as. Donc, mais je dis que principalement, c'est pour te montrer que je sais de quoi il est question. Je suis débarré des rêves que tu as. Ces rêves aussi, c'est une festivité. Oui. Et cette festivité, il y a même des gens qui sont morts. Je suis en train de parler, quelqu'un qui est décédé et le masque. Oui. Le masque, ça, vous savez, il y a des gens qui peuvent danser avec, ils portent un truc un masque comme ça, là, ça. À un moment donné, ça va poursuivre, ça te poursuit. Oui. Tu penses que ça te poursuit pourquoi? Donc, on va retracer pour voir d'où se sortir, compris pour enlever cela. D'accord. Donc, deuxième chose, il faut la repentance. Il va falloir que tu passes par la repentance. Et c'est même obligatoire, c'est même la voie, mais là-bas, tu dois te repentir sur beaucoup de choses. Maintenant, tu peux écouter Mireille et parler avec maman maintenant, c'est nous deux maintenant. Tu sais, votre famille, maman, ta famille, c'est une famille bénie du Seigneur. C'est l'une des familles que j'ai remarqué que Dieu a béni parce que Dieu veut délivrer toute la famille. Toute la famille, c'est merveilleux tout simplement. C'est pour ça qu'il a commencé par des enfants, il a touché parce que vous avez souffert. Vous avez souffert, même du vivant de ton mari. Vous avez essayé, il y a des choses que vous avez fait qui n'ont pas. Il n'était pas dans la norme, mais bon, tu n'as pas le choix parce que tu ne connaissais pas ce qui était là. Vous avez trouvé quelque chose, un système que vous faisiez aussi seulement. Et ça vous a conduit dans les mauvaises voies. Et à ce moment-là, tu ne savais pas que c'était les mauvaises voies. C'était les choses que tu penses. Tu pensais aussi que c'est Dieu qui est derrière. Mais ce n'est pas Dieu. Mais si on vient de regarder après le décès de ton mari, un autre homme qui se présente devant toi. Je veux qu'on en parle. C'est pour ça qu'elle fait quitter ta fille ici. Parle-moi. Sens-toi à l'aise d'abord. On est deux ici, avec le Seigneur. Il dit qu'après le décès de ton mari, il voit un autre homme qui s'est positionné. Je veux qu'on en parle parce qu'il y a des ouvertures là. Parle-moi. Tu sais que tu ne peux rien cacher? Je ne peux pas. Je ne peux même pas. Je bavarde trop. Même quand l'enfant était. Je l'ai dit. Quand j'ai mon ami, je dis à Mireille, non, je ne cache rien. Ok. Je ne cache rien. Ok. C'est pour ça que j'ai pu quitter parce que je ne sais pas que je ne peux pas me blesser la santé. Toutes mes choses, même quand elle est là, j'avais toujours parlé. Ce que j'avais te discours, c'est que quand j'ai l'homme, je l'ai dit toujours. Que Mireille. Donc, je suis en train de dire qu'après le décès de ton mari, il y a un homme qui s'est présenté. Oui. Je veux qu'on en parle. C'est pour ça que je vais dire que quand il est venu t'expliquer, tu vas aller dans ta chambre, tu vas te mettre à lui, tu vas demander pardon à Dieu pour tout cela, pour qu'on puisse maintenant aller te baptiser. Et puis, je vais prier pour toi pour que cette poison-ci, cette autre chose-là puisse quitter. Ça va se passer exactement comme pour ta fille. Si ta fille t'explique, si ils ouvrent beaucoup, tu peux parler de ce qui s'est passé ici. C'est que je leur ai dit. Et ton témoignage, c'est un témoignage que beaucoup de familles vont également écouter dans le monde entier. Parce que pour eux aussi, c'est écouté dans le monde entier. C'est que les gens vont comprendre que. Bah, si Dieu peut faire de grandes choses pour les gens, tu vois, n'est-ce pas? Alors, Dieu t'aime. Il aime ta famille. D'accord. Parlons de cet homme-ci. Je sais que je vais dire comment. Ok, si, comme tu comprends parce le langage des jeunes, je vais te dire qu'il est venu te draguer. Fais la cour. Et si même tu en as parlé avec des enfants plus tard, en disant qu'il y a des propositions qui sont d'être faites. Il dit ça, c'est après la mort. Oui, après la mort de mon. Mais tu avais d'abord décidé que tu ne voulais plus rien parce que tu avais d'abord pris la décision que tu ne voulais pas quelque chose. Sûrement c'est arrivé. Ton cœur a commencé à s'ouvrir doucement. Oui. Tu as commencé à ressentir les choses. Et c'est mon ami qui m'avait dit que quand tu restes comme ça, tu vas porter la maladie va. Oui, tu auras la crise. Que ce n'est pas bien de rester sans l'homme, non. Oui. Moi j'ai resté avant le. C'était même pas un l'homme de mon âge. Je ne sais pas. Oui. Je me suis resté avant lui. Après. Je ne suis jamais allée à l'hôtel parce que j'ai peur, on me parle de choses qui se passent à l'hôtel là. Quand je suis avec quelqu'un, je viens à la maison, je les présente aux enfants. Oui. Comme ça. Après un temps, on se séparait. Quelle était la position? Ne va pas vite, parce que c'est moi qui ai parlé de cela. Quand tu es devant moi, il n'y a rien qui est écrit sur toi que tu avais un homme ou quoi que ce soit. Il te dit des choses seulement, c'est à toi d'affirmer ou de dire que non, si c'est pas vrai. Je suis en train de dire, je suis en train de vous parler parce que cet homme, avec lui particulièrement, après lui, il y a encore même des tentatives. Il dit après lui, il y a eu des tentatives. Tu sais, qu'est-ce que j'en ai dit? Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que la séparation ait lieu? Bon, l'autre jour, je pars chez mon ami. Oui. Chez ta camarade. Chez ma camarade. Oui. En Kolengui. Oui. Je vois un homme. Oui. Comme un blessé, le pauvre blessé là. Elle me dit que, ouais, maman, tu es toujours comme ça. Tu n'aimes jamais sortir. Toujours rester à la maison. Il faut souvent, quand tu rentres du marché, quand tu vendais la nourriture là, tu viens, on reste quand même. Avant quand même, à 21h, tu rentres à la maison. Oui. Et elle a dit comme ça. Je pars, je vois un homme pressé derrière lui. Oui. L'autre jour, je pars jusqu'à trois fois. Oui. L'homme là me parle, je le regarde comme ça. Il parle même à qui. L'autre jour encore, c'était. En Noël, c'était Tu étais surpris, n'est-ce pas? Mais ta camarade n'était pas surprise. Oui. Parce qu'ils ont parlé de toi. Je ne savais pas, non. Ils ont parlé de toi. Oui. L'autre jour, je viens, il me regarde. il me regarde toujours. Je dis que Thérèse, pourquoi le petit là me fait son œil comme ça? Il sort ses gros yeux. Avant son gros ventre, il me regarde comme ça là. Et tu es toujours comme ça. Moi, je suis le pont. Le pont que quelqu'un traverse, il traverse pour voir le bonheur. Tu es toujours comme ça. Et, que Thérèse, et avant le gars que je suis avec lui là, il fait comme. Il dit que laisse lui là. Laisse lui là, tu prends celui-ci. Le gars, c'est, il a fait cela un mois. Un mois, toujours avec sa soeur. Il n'a jamais quitté sa soeur pour traverser ici là. Je ne sais pas pourquoi il est venu jusqu'à rester ici là. Depuis qu'il t'a vu, il est toujours derrière. Moi, je dis que Thérèse, puisque je n'aime pas les choses comme ça. Le jour de le 24 là, elle finit la viande. On rentre. On rentre, non. Non, c'était avant le 24. Elle finit la viande. On rentre. Thérèse est devant. Je suis derrière. Le petit frère. Thérèse s'avance. Il dit, il commence à. Elle dit quoi? C'est vous qui dérangez les gens ici dehors. Tu laisses ta femme, tu viens me déranger. Avec tous les maladies qui sont ici dehors, là, tu vas verser ta maladie sur moi. Il dit que tu comme ça parce que tu ne me connais pas. Il dit caca. Je m'avance, je pas chez toi. Tu comprends ce que le type est en train de me dire. Je m'avance comme ça pour que tu causes avec. Comme ça. Il dit que je suis le ton. Il veut dire que le petit frère est bien matériellement. Qu'il est bien, mais qu'il ne dérange pas. Que c'est le petit frère de telle. Oui. J'ai réfléchi. On se sépare, on passe chez Thérèse, on mange, on se sépare. N'est-ce pas, je parle, non? Oui. Le pain calme alors. Quand tu rentres à la maison, comment est ton cœur? En pensant à ces choses-là. Non, je ne pensais même pas. C'est même que même les affaires de l'homme, ce n'était pas dans ma tête. Il sait. Est-ce que tu sais pourquoi Yusson est de parler? Est-ce que tu, quand venait à toi, est-ce que tu savais qu'il pouvait toucher ça? Non, Yusson est là parce qu'il y a un problème. Tout à l'heure, t'expliquer le plan de Dieu derrière toi. Oui. Quand il a le 24, je parle là-bas. Non, tu te rêves un petit peu. Attends, tu peux voir. Baisse un peu le volume au salon, s'il te plaît. Ma soeur, la souffrance que tu es dedans. La souffrance que tu es dedans. Il peut te sortir de la souffrance. Non, il peut te donner quelque chose. C'est moi, rester avec lui. Rester avec lui pour que les gens ne te regardent plus. Et lui, c'est un homme marié. Oui, et il avait divorcé avec sa femme. Je ne savais pas, moi. Je ne savais pas. Bon. Thérèse, on va parler. On parle, on s'assoit chez Thérèse. Je dis, explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé avant de te séparer de ta femme? Il m'a expliqué. Comment tu me connais? Parce que le Seigneur seul qui me connaît. Oui. Comme tu me vois là, je suis comme tu me vois là. Je n'ai jamais. Je n'ai jamais demandé même à une femme. Comme ma femme avait dit celui-là, je suis comme ça. Il dit que devant moi, la femme, zéro. En aucun jour. Pas de femme. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a envoyé de. Donc il dit là que c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Il l'a envoyé. Oui, il m'avait dit comme ça là, non. Il parle comme ça, il a été flatté, il te flatte ton cœur aussi en de prendre le coup. Oui, il a dit comme ça. Nous sommes montés. On part au bas à Emumbo, on monte là-bas. On s'assoit. Est-ce qu'il avait même l'argent? Il n'avait pas l'argent parce qu'il avait eu les problèmes. On dit que où c'était passé comme ça. C'est quelqu'un qui avait l'argent. Mais l'argent était fini comme ça. Puisqu'il m'avait expliqué que. Son père était un bourgeois à son lima, il avait l'argent. Et c'était un enfant qu'on la chérit trop là. Il s'est marié avec sa femme. Quand la femme prenait l'argent, la femme partait donner grâce à sa famille. Quand la femme prenait, comme il avait tellement confiance à la femme là, la femme prend l'argent pour aller donner chez le marabout pour faire les pratiques sur l'homme. Jusqu'à ce moment, quand l'homme était, il avait quatre enfants, l'homme était tombé malade. La femme abandonnait l'homme et partait que dehors. Quand ses amis venaient donner l'argent pour qu'il prépare même à manger aux enfants et regarder son mari, il a porté la maladie, je ne peux même pas le suivre. La femme qui non. La femme qui. L'autre jour, sa soeur qui descend le lima. Oui, maman. Il dit que sa soeur qui. Comme il était malade là, sa soeur qui descend le lima. Où on venait, elle vient, il porte son frère pour aller à l'hôpital, on a vu que c'était fièvre typhoïde qui rongeait son frère, il a porté son frère pour amener ensemble, là. On a fait le remède, la femme n'avait pas son temps. Dès qu'il est rentré, son voisin dit que ouais, la façon dont tu as souffert ici, la femme ne t'a même pas dit, ne t'a même pas regardé, elle t'a seulement insulté que tu as le sida. Toi, tu viens encore de servir avec elle. Parce que tu vas chercher encore l'argent, il va prendre pour aller donner chez les marabouts pour qu'on t'attache. Non. Mm-hmm. Qui s'aime. Mm-hmm. L'homme est quitté comme ça, sans rien. Il n'a rien pris. Rien. Allez, bon, il est monté à Yaoundé. Comme vous étiez à mon quartier, il avait l'argent, mais il ne commençait pas à gérer l'argent. Mm-hmm. Parce qu'il m'avait dit que quand il avait l'argent, quand il est parti chez sa soeur, il a resté sans rien. Quand on s'est croisé comme ça là, non. Mm-hmm. Le jour de la fin, on s'est croisé comme ça. Je suis monté à la maison, j'ai dit aux enfants que regardez le type, c'est le beau type, s'il me poursuit toujours. Je ne sais pas comment le type, s'il veut derrière. Derrière moi. Comme mes enfants ne dérangent, ils sont comme tu les vois là, ils ne dérangent pas. On s'entend, on parle la même chose. On est resté, on reste au salon. Ma soeur là quitte, ma camarade là quitte, elle part au bar, qui est derrière ma porte là. Je reste, je dis que qui va faire pour que le type s'y pas. Le type ne part pas. Il se couche là, il dort. Le lendemain, j'ai pris le tarot. J'avais payé la viande 1 kg et demi. On prépare le tarot, on le tire, ça part comme ça. Avec 4 morceaux de viande, il finit tout. Mais lui, il n'avait rien dans la poche. On reste là, lui, il part. Le soir, c'est devenu sa maison. Il habite, non. L'autre jour, ma sœur me dit que le tube est où. Elle dit qu'il est là chez moi. Il dit que, si quelque chose lui fait chez toi, on va dire que quoi? Il dit que va montrer ta famille. Mm-hmm. Va montrer ta famille. On monte et on dit que sa soeur là est sévère, qu'elle est méchante. Elle dit que descends comme ça. Tu vas voir ma. Elle a les gros yeux comme moi, elle est grasse comme moi là. Je descends, je remonte, je regarde la femme là. Je dis que peut-être que c'est la femme que tu l'as dit. Je dis que madame, la boîte d'haricots noirs c'est combien? Elle dit, c'est 50-50, elle dit, donne-moi 4 boîtes pour voir la femme. Je monte, je lui dis que j'ai vu ta soeur là. Elle dit, oui, c'est elle. Le lendemain, je rentre en Kolingué. Elle dit que son nom c'est qui? Elle dit que c'est Thérèse. Le lendemain, je rentre en Kolingué. Elle dit que Mathieu, vraiment, tu as seulement m'expliquer. Je suis avec ton petit frère. C'est passé comme ça. Ils sont venus me trouver à la maison d'eux. Et encore mon petit frère, il est aussi venu avoir le même problème comme ton petit frère. Il a dit, maman, c'est une chose que je fais comment? Je vais t'expliquer comment. C'est le Seigneur qui a envoyé mon petit frère chez toi. Et c'est le Seigneur qui a aussi envoyé ton petit frère. Il lui dit que tu les chasses. Que le Seigneur te bénisse, tu les aies en son cadre. Parce qu'en ce temps-là, il y avait toujours mon petit frère qui est aussi venu de la même façon que comme lui. On est tous ce temps-là, on était toujours ensemble. J'étais toujours dans la souffrance. Même manger, je n'avais pas. J'ai décortiqué le pistache. J'ai pas une semaine pour marcher. Je vends même 2500. J'ai fait le pot du bœuf là. Le jour là, on a mangé la viande. On prépare, on mange. Toujours pour ça que j'ai. Il était content. Et il ne dérangeait pas. Mais il t'appelait chérie. Il m'appelait que ma sœur. Il ne dérangeait même pas. Et il ne travaillait rien. L'autre jour, j'ai dit que le tissu. Si un jour le type aura l'argent, il va dire qu'il était chez moi et je vais le menacer. Il n'a même pas l'habillé. Je suis parti dans la famille. J'ai cherché mon pain que je sors. Pardon, comme ça, le gars attache dedans, tu restes à la maison. C'est comme ça que j'ai commencé avec celui-là. 2000 ans avant lui. Mais il est dérangé. Maintenant, il est en Europe, il est en France. Jusque là, quelle est la position de ton cœur par rapport à lui? Bon, celui-là, un temps, il a vu le travail. Il partait travailler. Il travaille. Dès qu'il travaille, il a vu une femme dans le goût. Il sortait avec la femme dans le goût. J'ai vu, j'ai eu la colère. Je suis partie directement. Je n'aime pas le problème là. J'ai signalé ça à sa grande soeur. Regarde, ça fait 4 ans que j'ai souffert avec ton frère. Regarde comment ton frère va travailler. Mais là, il part chez une autre femme. Tu vois ça comment? Et sa maman même, et sa famille même, je te jure. Qu'on va faire comme on l'a appelé, on l'a bavardé. Elle dit que Marcelima, elle dit que je mens quoi. Maintenant, je ne mens pas. Je suis partie me renseigner, On m'a montré la femme là. Il est quitté derrière la femme. Il est encore venu à la maison. Il a encore eu le problème. Il a quitté du travail là. Il est encore venu à la maison. Il dit que bon, quand l'argent, tu pars jusqu'à avoir ton argent, tu ne me connais plus. Quand l'argent finit, tu plie tes bagages maintenant, tu pars. Tu vois, non. Plie tes bagages, tu pars. On a discuté. Je lui dis que non, on ne fait jamais ça. Le type est innocent. Non. même quand tu as préparé, tu n'as pas donné pour lui là, parce que l'autre jour, moi, ça m'a fait mal au cœur. Je ne peux pas, je ne veux pas donner. Il est tombé. Quand il est sorti de la rue, il est tombé. C'est juste qu'il veut soulever. La famille, non. Il dit que non, il va que partir. Il ne va que partir. Ça, c'est même quoi? Il est parti, non. Dès qu'il est parti, j'ai resté. Un temps, ça m'avait encore fait mal au cœur. J'ai dit, oh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait comme ça là? J'ai chassé le chip aussi, même pourquoi? Après tout ce temps que j'ai resté, je suis resté avec le chip, je lui ai chassé encore pourquoi? Regarde comment sa famille même. Regarde comment sa maman même. Je vais faire comment? Je suis parti encore chercher le chip. Il est encore rentré. Il est encore rentré. Je sais que quelqu'un comme ça, il est aussi simple. Il rentre. Il était encore parti chercher son argent. Où il part chercher son argent. Il me donne 80 000. J'avais payé mes ports. Il me donne 80 000 que j'ai payé ces deux ports. Et l'autre, le reste de 20 000, j'ai payé l'aliment. J'ai payé mes ports. J'ai payé deux pour lui, deux. J'ai lancé dans la porcherie. Tu es là, tu peux regarder le port. Tu peux payer la nourriture au port. Je suis là, je prépare, on mange. Je lève les porcs, je lève. Tu ne peux même pas nettoyer. Je lève le porc. Jusqu'à les deux porcs, on y bat. Ça reproduit. Oui. Je reste. Un temps. Je sors les porcs là, je vends. Tu ne nous dis rien. Ça me touche. Je dis que ça te touche. Depuis que tu as mis le porc dans la pocherie, tu as nettoyé. Est-ce que tu as pris soin? Est-ce que tu as nourri? Parce que le jour là, il avait dit que. Je suis au lieu avec toi. Ni vu ni connu, tu m'as fait suite à ce bon. Et il a exécuté. Ça lui est touché. Et je dis, pris les bagages, tu pars. Donc j'ai sauté l'autre. La première fois qu'elle est partie là, ça m'a touché, non. Je suis partie chez une maman. Marabout. La maman là, m'avait tellement aidé. Parce que je suis née dans une famille chrétienne. Tu vois, non. Et là où je suis mariée, là, c'est une aussi famille chrétienne. Mais j'ai manqué la personne qui devait me renforcer sur le bon chemin. Non. C'est pour ça que tu t'es égarée. Oui, deux fois, je suis sur le bon chemin. Deux fois, je me retourne. C'est toujours comme ça que je suis. Mais maintenant, parlant de cela, tes enfants, maintenant, on trouve le bon chemin, le chemin du Seigneur Jésus. Oui. Tu as la grâce maintenant. Comme je dis, Dieu veut sauver votre famille. Vous réunissez en famille maintenant, partagez la Bible, priez, échangez pour les voir les deux, d'accord? Oui, voilà. Maintenant, je ne peux même plus faire l'erreur. Amen. Je ne peux même plus. Bon, je suis partie chez la maman, là, l'autre jour, j'entre chez la maman, là, je trouve un type. Parce que la mère, là, me dit que je ne suis pas marabout. Qu'on ne me traite pas de marabout. Je ne prends pas l'argent. Je suis sortie devant, dans le ventre de ma mère, avec cet esprit. Mon père était... marabout. Ma mère était incapacée. Et moi, je suis née comme ça. Là. Donc, cette marabout, c'est que tu es partie, dit que son père, elle-même, était marabout, sa mère était marabout. Oui. Donc, par contre, elle est née avec elle ce est oui, elle est née avec mais ça. Mais elle est quand même marabout, parce que ça montre clairement qu'elle est née dans une mauvaise famille. Oui. Elle est possédée. C'est ta camarade, celle-là, n'est-ce pas? Quand je t'en supplie, quand tu vas là à Yaoundé, il faut aller chez eux avec ton fils qui était ici. Tu dis à cette femme-là qu'elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide de délivrance. Tu lui dis que comme vous comprenez, qu'il y a un pasteur à Douala qui lui dit qu'elle a besoin d'aide. Elle peut être délivrée. D'accord. Oui. Elle a des problèmes. Elle-même, elle a des problèmes. Tu me suis ce que je viens de dire. Parle de cette marabout-ci là. Cette femme, elle est innocente également dans ce qu'elle a de faire. Donc je dis, quand vous allez rentrer à Yaoundé, je vais appeler ton fils, je vais lui dire les instructions, comment vous allez faire. Vous allez à deux. Oui. Je lui dis qu'il y a quelqu'un à Douala qui veut qu'elle descende. Elle descend à Douala. Cette femme-ci, elle vient. Il faut qu'elle vienne aussi si elle nous épaule. Il faut la délivrance aussi. Oui. Cette marabout-là, d'accord. Voilà. N'aie pas peur. Mais elle ne partait pas là-bas. Il dit si. Le Seigneur dit que la femme marabout-ci a besoin de délivrance, elle a besoin d'aide. La mère que j'ai partée là-bas, là. Oui, elle a besoin d'aide. Elle ne marche même plus. Oui, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle a besoin d'aide. Elle est dans des problèmes, dans des situations. Pourtant, elle dit qu'elle aide les gens. Elle a besoin d'aide parce qu'elle a faim de sa vie à la porte. D'accord. Si elle veut même, je vais monter à Yaoundé, On parle chez la maman. Tu dis la maman, pas ma camarade. La maman marabout, là, n'est-ce pas? Je parle de maman marabout, il ne parle pas de ta camarade. Ah, je comprends maintenant. Oui, ma Pauline. Ma Pauline. Celle qui vous allez, chez qui vous allez pour avoir la solution. Elle est dans des problèmes. Elle ne sait pas comment s'en sortir. D'accord. Elle est à la fin de sa vie. Il faut qu'elle soit délivrée. Je comprends. Le Seigneur lui dit donc, quand tu vas monter avec Jules, vous allez la rencontrer pour lui dire qu'il y a un pasteur à Douala qui a 10 là. Si elle a besoin, descend ou bien je monte pour résoudre ce problème-là. Il faut qu'elle quitte cette voie-là. Parce que le Seigneur l'aime. Oui. D'accord. Mm-hmm. Donc elle est sincère. Elle croit que c'est Dieu qui travaille avec elle. Oui. C'est pas Dieu qui travaille avec elle. Quand elle parle de si. Mm-hmm. Hein, maman? Oui. Donc, quand tu parles, elle parle de si, si, oui, c'est qu'elle est pour Dieu. Et quand tu parles, elle commence toujours par la prière. Par la prière, tu as vu. Donc oui. Ce n'est pas ça. Donc il faut nous dire qu'elle a besoin d'aide, qu'il y a un pasteur qui a dit cela. D'accord? Mm-hmm. Ça c'était une parenthèse tout simplement. Mm-hmm. Donc on disait pour nous. Parce que tu as dit tout à l'heure là que avant qu'il parle, la première fois qu'elle est de bonne partie, tu es allé chez cette femme-ci pour aller trouver de l'aide. Puis tu es allé voir chez elle, elle a fait comment? Chez la femme-ci. Mais par rapport au monsieur là qui est à la maison. Oui, donc comme on avait dit que sa femme l'avait attaché là. Mm-hmm. Parce qu'on dit que sa femme avait pris son argent 1 million pour aller donner à un marabout. Mm-hmm. Pourquoi on l'attache? On a travaillé sur lui. On a travaillé sur lui, on est parti garder dans mm-hmm. un coin dans sa maison. Comme sa femme était montée à son lieu chez eux là. Mm-hmm. Il est resté déménagé. Oui. Il a appelé sa soeur pour qu'on reste déménager la maison. On a vu le remède attaché. On dit qu'il y avait quoi sur ça. Sur ça. Sa soeur a prié. Elle a dit que, Seigneur, pardonne-moi comme j'ai touché le machin. Si là, je ne connais pas. Mm-hmm. Où c'est quoi, où c'est quoi. Il faut détruire. Mm-hmm. Il faut détruire ça. Je prends, je jette. Mm-hmm. Elle a dit que la piste, elle est partie jeter. Quand la femme a compris qu'on a déménagé, elle a commencé à pleurer, elle est descendue rapidement à Douala. Mmh. À Douala, si. Elle dit à la soeur de son mari que telle chose était sur tel endroit. Mmh. Tu as pris ça, j'ai jeté, tu as tué ton frère. Mmh. Tu as tué ton frère, ce n'est pas moi, mmh. c'est ça qui protégeait ton frère. Mmh. Tu as tué ton frère. Là, elle a mis ses genoux au sol. Mm-hmm. Elle a demandé au Seigneur, Seigneur, j'ai pris quelque chose qui n'est pas bien à tes yeux, j'ai jeté. Mm-hmm. Si c'est que j'ai tué mon frère, mm-hmm. c'est que je ne savais pas que c'est quelque chose qui protégeait mm-hmm. mon frère. Seigneur, tu vas seulement me pardonner. Mm-hmm. Donc depuis qu'on a appris ça, c'est ça qu'il y a eu la séparation entre lui. Et jusqu'à quand son mari était malade, elle n'a pas mm-hmm. regardé. Mm-hmm. Donc c'est de commencer comme ça là. Mm-hmm. Donc quand il était même arrivé chez moi, il parlait toujours de moi. Quand je lui parlais, je lui dis que félicité. On dit qu'on lui avait attaché là. Mmh. Donc, elle dit toujours, il m'a appelé. Elle appelait toujours par le nom de sa femme. Mmh. Et elle m'a expliqué qu'on l'avait attaché. Je suis partie chez la maman ici. Mmh. Pour voir si c'est vrai, mmh. pour voir comment résoudre le problème. Il a vu que c'est vrai. Il mmh. a aussi travaillé. Il a dit qu'il a quitté Yaoundé pour aller à Bameka, au marché de Bameka. Prendre la terre. La terre du marché, au milieu du marché. Mmh. Il est parti chez eux, comme son père était un notable, prendre la terre. Il est rentré à Yaoundé. Pour que la femme la travaille avec. Oui, mm-hmm. pour qu'on le délivre. Mm-hmm. Et tu penses qu'on l'a délivré? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va t'expliquer? Vous allez me finir dans ces caméras aussi, vous allez me finir. Ah, continue, maman, continue. Dès qu'il est fait comme ça, il est venu à la maison. Mm-hmm. Après, là, j'ai pris dans un litre d'eau. Mm-hmm. On conserve ça. On met tout la terre là. À l'intérieur, on mélange avec les urines, ces urines là. Oui. Trois jours, oui. Ça, il n'a plus parlé de ça. Oui. Dès qu'il a fait comme ça, mm-hmm. donc il n'a plus parlé de mm-hmm. ça. Mais auparavant, la femme là a retravaillé avec la terre. Mm-hmm. Voilà, la terre qu'on a pris au oui. marché là, mm-hmm. et chez eux, oui. il a retravaillé de lui donner pour qu'il parte avec. Oui, qu'il parte se laver avec. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est lui qui est venu avec les urines dans la bouteille de tabou. Il a mis la terre là dedans. Mmh. Il a laissé trois jours. Après, celui qui est rentré, il a laissé 3 jours. Ça s'est bien fermenté. Mmh. Dès qu'il se lave, il se couche comme ça. Oui. Mmh. Comme ça, tu vois comment on peut inviter les démons dans la famille. Mmh. Maintenant, là, il est en train d'expérimenter autre situation. Il y a d'autres problèmes encore plus graves qui sont dans sa vie. Il ne doit pas savoir que c'est ça qui est en train de causer comme ça. Voilà autant de choses. Donc, mais moi, je me concentre sur toi et sur cette femme-ci. Pauline, mm-hmm. maman Pauline là, oui. qui est dans la. Parce qu'elle est à la fin, je dis, elle dit qu'elle est à la fin de sa vie. Mm-hmm. Mais si tu permets, je reviens sur ton cas, parce que c'est toi d'abord qui es devant moi. Mm-hmm. Est-ce que tu sais pourquoi le Saint-Esprit a indiqué le fait que, après la mort de ton mari, tu as connu quelqu'un? Oui. Et cette situation, est-ce que tu veux savoir pourquoi? Est-ce que tu pensais qu'en venant à Yaoundé, en venant ici à Douala, tu pensais qu'on pouvait parler de cela? Non. Quand tu venais, tu pensais à quoi au juste? Que tu partais raconter qui? Le frère jumeau. Point final. On n'a pas dit qu'il est petit, que c'est un enfant. Hey, même si c'est le Seigneur dit comme ça là. Mm. Il n'y a pas l'enfant de Daniel. Mm-hmm. Hey. Mm. Tu as seulement dit que le Seigneur me remet à toi. Donc j'ai la Bible devant moi ouverte. Je vais lire les Écritures. Parce que je vais lire la pensée de Dieu et dire cette situation, ce que tu as de vivre. Mm-hmm. Parce qu'il est question que on change, on marche dans la voie de Dieu. Et les questions, je devais venir à Douala, à Yaoundé, à la maison. Parce qu'il ne faudrait pas que je vienne plutôt à Yaoundé pour dire ces choses-ci, là, comme ça. Comme tu es ici, je vais te dire clairement, comme ça, quand je vais montrer, tu sais quel nettoyage il faut faire. Je vais lire 1 Timothée chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 3. Honore, c'est 1 Timothée chapitre 5, verset 3 et suivant. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable au Seigneur. Donc c'est agréable au Seigneur que les enfants, les gens qui sont veuves, prennent soin d'eux. D'accord? Celle qui est véritablement veuve, nous sommes verset 5, et qui est demeurée dans l'isolement. Je vais expliquer doucement. On dit verset 5, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement. C'est-à-dire qu'une femme qui est veuve et qui est restée dans l'isolement, c'est-à-dire qu'elle est isolée du mari. Un homme ne la touche plus. Et qui est restée, demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans l'explication et la prière. Donc une femme normalement qui est veuve passe son temps dans la prière et le jeûne. Mais tu ne pouvais pas faire autrement parce qu'il n'y avait personne pour te guider. C'est pour ça que tu es entré dans l'égarement comme ça. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit a dédouané ceci pour que ça soit arrangé. D'accord? Verset 6 dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. On parle des femmes veuves. Oui, donc, oui. J'ai lu ça. Ça m'a travaillé. J'avais tes yeux. Continuons. Ah, tu avais lu ça? Oui. Tu avais lu ça? Tu savais que ça faisait maintenant, à toi? Maintenant que je suis bien dans la Bible, seulement qu'il y a des paroles que je lis, je ne comprends rien. Non, ça va aller. Je ne comprends pas l'explication. Il faut seulement que les obstacles soient ôtés. Quand j'ai lu l'autre ciel, ça a joué directement sur moi, avant que les choses me viennent même ici là. Ah, bon, raconte-moi donc, raconte-moi. Quand tu es tombé sur ça, tu savais que c'est à toi que ça s'adressait. C'est comme si on parlait à moi. Je vivais avant aussi un nom. Oui. Quand l'autre aussi était parti. Voilà. Avant de parler, il était d'abord ici à Douala. Il rentre sur Yaoundé. Il dit que Maxime, je suis avec une femme Bouddha. J'ai dit que ma fille. Bouddha. Il dit que ma fille, toi, avec le Bouddha. La femme là était à l'étranger. Avant tu sortais avec lui, il est rentré ici au pays. Et maintenant tu continues à vivre avec elle. Parce que tu l'as vu dans une grosse voiture. Ma fille, toi. Ma fille, toi. Je commence tout ce que tu me dis. Je ne peux pas refuser. À compter d'aujourd'hui, je vais quitter derrière. Je suis parti dire à sa famille, comme disait, il faut dire à David, il quitte derrière la femme là. Il a commencé à dire, je ne suis plus aveugle. Et il a quitté derrière la femme. Il m'a dit, commence. Donc depuis que je suis quitté à Yaoundé, tu restes seul. Je dis que oui, je reste seul. Et je reste seul, frère. Je reste seul. Quand il a dit qu'il dit non, ce n'est pas bien de rester seul, je ne peux pas te mentir, moi je ne reste pas seul. Quand tu restes seul, tu auras les problèmes. Je suis même parti demander à un docteur. Je suis d'abord, avant d'être un docteur, avant d'être seul, je suis parti d'abord demander à un docteur. Tu as été renseigné vers un docteur pour savoir si c'est un problème ce qui se passe. Je peux rester comme ça et avoir un problème. Il a dit que non, ce n'est pas bien que nous fassions ça. Attends. Si je comprends bien, parce qu'il faut que les gens qui nous écoutent. Donc, ça veut dire qu'après, quand tu es resté seul dans l'isolement, comme la Bible l'homme ne te touchait pas. Les gens sont effrayés pour dire que ce n'est pas bon de rester comme ça sans homme. Et tu allais te renseigner chez un docteur. Et le docteur dit que oui, ce n'est pas bon de rester comme ça. Oui, écoute, je suis encore petite. Ben, il expliquait pourquoi. Il ne sait pas, il a seulement dit comme ça, il a aussi accepté. Et c'est ça qui est rappelé maintenant que tu es lancé dans les bras des hommes. Comme maintenant, quand l'homme vient faire, on fait maintenant. Non, je ne suis pas déjà là. Quand je dis que quand j'ai choisi un homme, c'est un homme. Non, mais je voulais dire que c'est ça qui a fait l'état enceinte que tu as commencé maintenant à t'ouvrir vers les hommes. Voilà. Quand l'autre, c'est quand celui que je dis là est en Europe, quand il est parti là, l'autre jour, je suis encore avec un type, comme il était dit. Même toi, tu n'es pas facile, hein? Et on veut même quoi derrière toi? Attends, laisse-moi t'expliquer, non? Mais je n'ai jamais mangé l'argent de l'homme. Tu travailles avec ta propre main. Quand l'homme est derrière moi, c'est pour. Même comme je n'ai rien. On te fuit parce qu'on sait que tu donnes facilement. Et que tu travailles, tu es une femme battante. Oui. J'ai trouvé celui-ci. Mireille était à la maison. Nico était à la maison. Il ne faisait rien. Nico avait eu son bas. J'ai dit à Nico, va à voir. Il est parti en voie, fait 2 ans. Maïkele, à l'université de Maïkele. Sans suite. J'ai dit à Mireille que Mireille n'est pas aussi en voie. Mireille m'a dit que je vais arrêter. Je n'ai pas plus. Je ne continue plus. Je suis parti à. On appelle Istanbul. un autre institut là pour institut privé. Oui. Elle est partie là-bas pour être infirmière diplômée d'État. Non. Elle est partie. J'ai commencé la pension 200 000. Avant de donner 200 000, je suis partie d'abord au ministère. J'ai vu un homme, je vais encore donner 200 000. Pour qu'il négocie, pour qu'il passe, non. Mon nom n'était pas sorti. J'étais obligée de faire comme ça pour chercher 200 000. Elle est partie s'inscrire. J'avais encore l'argent pour continuer. Non. Je n'avais rien. L'autre jour, Mireille rentre, elle me dit que, ouais, maman, voilà ce que le professeur nous a dit. Elle a dit que si quelqu'un est ici à l'école, il n'est pas passé par concours, c'est que ça ne vaut pas la peine. L'État ne peut pas, ce n'est pas l'État. Il ne peut pas le recruter. Le recruter. Et je souffre comme ça, pourquoi, Mireille? Ils sont encore les 200 000 là qu'on a laissé l'autre là. Je laisse. Elle a laissé, non. Ils sont venus rester avec nous. Souffrir. Le jour que j'ai vu le type, il dit là. Il m'a vu, il m'a parlé. C'est un peu. Il m'a parlé n'importe comment. J'ai secoué toujours la tête. C'est un directeur. Après, regardez la souffrance. L'autre jour, j'explique le problème. Il y a ma fille à la maison. On ne sait pas comment je vais faire. C'était déjà la rentrée. C'était même 2 semaines de la rentrée. Il dit que oui, alors que je suis en train de, on est en train de créer une école là-bas, je suis le directeur. Si tu me disais enfant, c'est que j'allais faire venir Mireille. Et comme Mireille n'a même pas fait la formation là, comme c'est moi qui suis directeur, je vais voir comment je veux faire. Voilà comment cela s'est passé. Il amène Mireille à Voada. Elle a fait la formation chez les soeurs, 1 mois. Là, il a enlevé une maîtresse. Oui. Maternelle, il a mis Mireille. Voilà quand je commençais à politiquer. C'est la souffrance. Oui. Bon, maintenant, on en est parlé maintenant en vérité. Toi et moi, on est devant la Bible, on est devant Dieu. Et tu n'as pas quitté, parcouru presque 300 km pour venir comme ça pour que je te demande. Je suis obligé de dire la vérité. C'est pour ça que je dis que, est-ce que c'est pourquoi le Saint-Esprit a doigté qu'on commence par là? Oui. Bon, attends, j'ai fini. Oui. Bon, après, comment on a commencé à lire la Bible? J'ai compris les choses des dames. Tu as compris donc que ça ne va pas. Quand je veux lire la Bible, je. Tu fermes les yeux. Je demande au Seigneur, comme pas mon pour moi. Le passage que je dois lire. Quand j'ouvre, ça parle toujours à moi. J'ouvre, ça parle toujours à moi. Quand tu ouvres, ça t'indexe, ça te parle. Et j'appelle le Christian, la petite soeur de celle-ci. Qui dit, papa, viens m'expliquer, je ne comprends rien. Elle t'explique. Et quand tu sais comment elle lit comme ça, tu sais que c'est à toi qu'on s'adresse. Je connais pas, j'ai lu, non, j'ai compris que c'est à moi. Que la Bible parlait. Que la Bible parlait, non. Les choses n'étaient pas encore venues ici, là. Oui, il n'était pas. Ok, donc, juste Mireille n'était pas encore descendu ici, voilà. Et tu vois donc que ça veut dire que je t'ai dit que Dieu aime ta famille, vraiment. Oui. Oui. Bon, quand il a dit comme ça, j'ai dit au père, là, que le père, tu sais, quand j'ai lu, non. Voilà, c'était. L'émission que tu parlais dans l'émission là. Ah, ok. Attends. Avant que je ne descende ici, il a mis un enseignement de son. Je veux qu'on en parle justement, c'est là. Oui, va à partir de là et parle. Voir. Parle. Je ne peux pas comprendre. Je ne me rappelle plus de l'émission là. On parlait des réalités du monde spirituel de Satan. On parlait des choses de Satan et autres. Et tout ça doit être ça. Oui. Oui, donc il a apporté une émission. Il a mis. Vous avez écouté. Oui. Il m'a appelé. Il m'a appelé, non. Oui. J'ai écouté. Quand j'ai lu la. Oui, et là, d'après ce qu'il m'a dit, il a dit normalement, quand tu écoutes des choses, tu dors. Mais là, tu ne dors. Tu n'as pas dormi ce soir-là. Tu as écouté jusqu'à ce que c'était fini. Oui. Tard, jusqu'à tard dans la soirée. Raconte-nous. Bon. J'ai dit au père là que le père. Je suis partie me coucher. Non. Non, attends d'abord. Tu as écouté l'enseignement. Quand tu écoutais l'enseignement, quand tu écoutais, ça te faisait quoi? Ça joue sur moi, non? C'est comme si on parlait à moi, non? Oui! J'ai dit au père, je parle. Donc, c'est comme si l'enseignement tu jugeais. Oui! J'ai dit au père, là, que le père, et puis, il a compris, non? J'ai dit que le père, il dit oui. Il dit oui. Ah, cette même nuit, là? Oui, il était là. Mais lui, il n'a pas écouté. Lui, n'écoutait pas. Ok, vous étiez toi, Mireille et les autres enfants. Salon, il dit que le père. Tu as dit que l'air est grave. Il me dit que père, tu vas seulement m'excuser. Tout ce que je faisais là, c'était par ignorance. Oui. C'est parce qu'il n'y avait personne derrière. Derrière. Maintenant, avant j'étais dans les ténèbres. Maintenant, je veux marcher. Je veux marcher dans la lumière. Dans la lumière. Et n'était pas surpris de ce qui est arrivé parce que vous avez passé toute la journée, il n'y a pas de problème. Subitement, la nuit, tu veux lui dire des choses comme ça. Il n'a pas posé la question que qu'est-ce qui ne va pas. Non, il est, comme il vient souvent dans la nuit, là. J'ai expliqué que le père, comme il a dit comme ça, là, c'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Quand j'ai réfléchi comme ça, comme ça, comme ça, j'ai dit que j'ai vu que j'avais heurté mon pied. Là où je marche, là, ce n'était pas le bon chemin. Donc tu as vu que tu as heurté ton pied, tu as choisi un mauvais chemin. Que je ne savais pas. Mais le Seigneur m'a dit que le chemin que j'ai marché sur ça, là, n'est pas le bon chemin. Oui. Que c'est un chemin de la perdition. Et ça, c'est en écoutant l'enseignement, tout ce moment. Que quand moment-là, ça te parlait. Oui. Quand il a dit comme ça, là, il a dit, là, mais c'est vrai, c'est vrai. Lui-même l'a dit, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Il est à l'église tous les jours, mais ça. Il a prié tous les jours, matin, soir. Il dit que le Père, la Bible dit que pour commettre l'adultère, ce n'est pas bien. Mais je ne savais pas. Moi, je pense que si tu perds ton mari, tu peux encore te remarier. On va parler de ça, mais c'est ça, je voulais pas en parler. J'ai vu que ce n'est pas. Mais à compter d'aujourd'hui. Prends-moi comme ta soeur et tu es membre de notre famille. Il n'est pas dit qu'on se sépare, mais l'homme et la femme, non. On doit se toucher. Oui, si tu as besoin de moi, viens c'est moi me saluer. Et tu... Il a écouté, non. Il a écouté, ça fait qu'à moi aujourd'hui. Ça fait qu'à moi, je n'ai plus ces problèmes-là. Oui. L'autre jour, il vient encore. On parlait de la duterre, toujours sur votre enseignement là. La duterre. Oui. J'ai suivi ça jusqu'à l'heure où j'ai dormi à 2 heures. C'est lui qui a encore mis ça. Je ne vais pas me coucher. Je suis jusqu'à être fatiguée. Le sommeil vient, non. Je me lève. Je ne vais pas me coucher. Je me couche. Je dis que. Quand j'ai arrêté comme ça, ce n'est pas bien. Je n'ai pas encore suivi l'enseignement. Qu'on est en train de parler là-bas au salon là. Je me lève, je pars depuis ce jour-là. Quand il vient, il peut fermer et moi, il vient, ne savait pas. Depuis ce jour-là, je suis tranquille. Donc maintenant, ton cœur en paix. Voilà. C'est parce qu'il n'y avait pas personne, il n'y avait personne derrière moi. Voilà. Pour me dire que quand tu fais comme ça, c'est bon, quand tu fais comme ça, ce n'est pas bon. Et maintenant, tes enfants sont contents de cela. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à la saison? Tu as dit à tes enfants, Jules et tu leur as dit de la décision que tu as prise vis-à-vis de. Et dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ont suivi dans la Bible. Mais pourquoi ils ne voulaient pas te dire directement? Parce qu'ils avaient peur que ça ne te blesse ou quoi? Non. Ils voulaient me dire posément, non. Quand il a mis l'enseignement là, il a mis ça pour que je comprenne. Et quand tu savais que c'était à toi, mais quand tu as suivi, maintenant ça t'a blessé le cœur. Oui. Non, le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Papa merveilleux. Maintenant, je suis. Mais quand tu as suivi dans l'enseignement, la première fois qu'il a mis l'enseignement dans la nuit, tu es rentré là, tu pensais que la personne qui parlait était grand? Non, parce que quand je lis là, dans la même ce que Jésus faisait là, même ce que les prophètes font là, si on regarde comment il est, on entend seulement l'enseignement, non? Et quand tu entends l'enseignement, tu savais que c'était à toi que ça s'adressait et que c'était la vérité. Tu vois comment les gens sont dans l'église aujourd'hui, ils vivent dans la dureté, ils vivent dans le péché, mais on ne peut pas leur dire la vérité. On ne peut pas dire la vérité. Même les pasteurs, même vivent dans la vie. J'ai demandé à Jules pourquoi il ne t'a pas demandé là où on peut aller à l'église. S'il n'y a pas une église à Yaoundé. À Yaoundé, pour que je puisse aller là-bas. Parce qu'il m'a dit de quitter l'église évangélique. Non. Mais pourquoi vous ne vous réunissez pas à la maison pour prier? C'est ce qu'il m'a dit. Réunissez-vous à la maison pour prier, d'accord? C'est ce qu'il m'a dit. Je vais venir, m'envoyer des frères là-bas chez vous à Yaoundé qui vont passer du temps avec vous pour travailler dessus pour que vous grandissez dans la parole, d'accord? Merci beaucoup. Non, c'est pas mais c'est notre sens, c'est mon travail ici, d'accord? Donc je continue la lecture ici. On dit verset 5, celle qui est véritablement, mais comme tu dis que tu as dans le, je vais dire, je vais amplifier. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Donc normalement, une femme qui est veuve de la bonne façon doit mettre son cœur à Dieu. D'accord. Maintenant, verset 6, on dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoi que vivante. Donc ça dit, même si tu es à n'importe comment, une veuve joyeuse, tu commences à livrer, tu dis mon mari, elle livre, je m'habille comme il veut. On dit, la Bible déclare que tu es déjà morte. Oui. Maintenant, il dit, verset 7, déclare ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Donc il faut que les prêcheurs, les prédicateurs prêchent ces choses aussi aux femmes qui sont veuves. Pour leur dire quelle est la voix de Dieu pour eux. Pour elle, d'accord. Donc si ton mari n'est pas, je vais parler de quelque chose que ton mari, une situation qui s'est passée, une petite réunion, ce qu'il a parlé avant de décéder. il y a avant la mort de ton mari dans le passé, quelque chose comme une déclaration, comme une volonté. Et donc, ça n'a pas été respecté. Je vais en parler, mais il faut qu'il finisse d'abord ici. Parce que c'est également un vrai problème. Donc, il dit, déclare ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Donc, il faut qu'on dise ces choses pour que vous, les femmes, vous soyez irréprochables. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous ayez des péchés dans vos vies. Maintenant, verset 8 dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrit sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. Maman, tu as 60 ans. Non, j'ai 52 ans. 52 ans, donc tu as encore 8 ans pour être la veuve. J'ai lu ça. Tu as lu ça aussi. Oui. Quand tu as lu ça, ça t'a fait comment? Tu sais que ma façon de comprendre, c'est pas votre façon. Ma façon d'écouter, c'est pas pour vous. On dit qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Verset 10, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des sœurs, secouru les mariés, les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Suis. Mais refuse les jeunes veuves. Parce qu'on a dit en haut que pour qu'elle soit considérée comme veuve, il faut qu'elle n'ait pas moins de 60 ans. Donc c'est 60 ans en montant. Oui. Donc comme tu n'as pas 60 ans, ça se fait que tu es une jeune veuve. C'est pour ça que les hommes veulent mourir seulement derrière toi comme ça. Il dit, mais refuse les jeunes veuves. Car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. Donc lorsque elles se sentent bien, quelque chose est dans leur chair, qu'elles sont encore capables, elles veulent se marier. C'est pour ça qu'on doit les refuser dans la charge de veuve de l'église. Et se rendre coupable en ce qu'elles violent leur premier engagement. Parce que normalement, quand une femme est veuve, elle décide de servir le Seigneur, elle est maintenant mariée avec le Seigneur. Elle va se passer, comme on a dit au verset 5 là-bas, elle va demeurer dans la prière, dans le jeûne. Mais comme elle est veuve et qu'elle est jeune, on a dû parler de Boussella, qu'elle est jeune, son corps fait un genre, on vient lui dire par exemple que ce n'est pas bon de rester comme ça là. Elle s'engage encore avec la vie de l'homme. On dit qu'elle viole leur premier engagement, elle se rend coupable. Tu vois. Avec cela, étant oisive, elles apprennent à aller de maison en maison. C'est pas ça? Hein? Oui. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Vous entrez dans les conversations, vous dites des bêtises, vous faites des choses. Maintenant, elle dit, je veux donc que les jeunes veuves se marient. Ça, c'est le verset 14. Qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Donc, plusieurs veuves dans le monde entier sont maintenant sur Satan sans t'en rendre compte. Est-ce quoi que comme elle est maintenant, comme elle est veuve, elle peut maintenant décider de vivre avec un homme. L'homme vous vient seulement à la maison dormir, il n'y a pas de problème. Elle a de suivre Satan comme ça sans t'en rendre compte. C'est pour ça que le verset 14 dit, je veux donc que les jeunes veuves se marient. Donc, quand tu es encore jeune et que tu es veuve et que tu es encore jeune, il faut se marier. Pour qu'il n'y ait pas des occasions en disant que la femme la vit, comme elle vit dans la volupté, elle vit dans le concubinage, et ainsi de suite. Il dit, si quelque fidèle homme ou femme a des veuves qui les assistent et que l'église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Donc, il y a d'après la Bible ce qu'on appelle véritablement veuve. Une veuve qui est véritablement veuve est à partir de 60 ans en montant. Donc, c'est pour être considéré comme veuve. Il y a les conditions là-bas. Et qu'elle ait été la femme d'un seul mari. Maintenant, ton cas, c'est pour cela que le Saint-Esprit a fait cela. Tu vois que dès le départ, le Saint-Esprit a commencé à travailler dans ta vie pour montrer que ce n'est pas bon. N'est-ce pas? Mais maintenant, ce que tu peux faire maintenant pour être tranquille, c'est si quelqu'un vient te demander la main, il faut qu'elle te marie. Tu veux te marier encore? Non, non, non. Hein? Non. Tu ne veux plus te marier? Je ne peux plus me vérifier. Tu veux pas aller toi t'attacher quelque part. Tu veux être libre comme ça. Libre, regardez mes enfants. Voilà. Donc ça veut dire que dès que tu es là, comme tu es chez moi comme ça, quand tu vas sortir là, aucun homme ne doit plus te toucher. Non. Mais il voulait même quoi dire toi même. Est-ce que les hommes marchaient derrière moi en tant que tel? Seulement quelques-uns pour te dire à moi. Trois. Mais si l'autre ne partait pas, l'autre ne devait pas venir. Toi, même tu connais ça. Oui. Si l'autre ne partait pas à l'étranger, c'est que je suis toujours à vous. Mais s'il revient de l'étranger maintenant, il dit qu'on continue ce qu'on avait commencé. Tu as dit quoi? Il ne peut même pas. Comment ça? S'il revient de l'étranger, il dit continuons ce qu'on avait fait. Comment on commence? Il veut dire non. Tu vas dire non. Mais il dit comment en partant, il n'y a pas de problème. On est justement parti comme ça là, pour me chercher. Maintenant, il revient pour te prendre vraiment. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire que ce n'est pas le bon chemin que j'avais choisi. Donc maintenant, tu as décidé, tu as pris la décision de rester avec le Seigneur, avec les enfants. Oui, oui, oui. Ok. Donc, c'est, en fait, c'est la meilleure décision là-bas. Mais si tu sais que. Mais tes docteurs, le docteur, je suis allé chez le docteur pour demander que, est-ce que si une femme reste comme ça sans homme, ça va être dérangé. Le docteur a menti, ça c'est le mensonge, parce que ça n'a pas de sens, d'accord. Et ta camarade de la lune là qui faisait le 10, il jouait le 10 en termes étant en relation avec les hommes, tu penses qu'elle te voulait le bien? Parce qu'elle n'était pas mariée, mais maintenant actuellement elle est mariée. Mais elle veut seulement que tu aies avec toi les hommes, elle te fait un... C'est parce qu'il n'y avait personne pour me guider. Oui. Maintenant, là, tu as la lumière en tête chez vous. Donc, tu prends la décision devant le Seigneur de ne plus accepter d'homme aux côtés de toi. À moins que tu ne veux te marier. Mais tu as dit que tu ne veux pas te marier. Non, je ne veux plus. Ok. Donc, tu vas vivre sans homme maintenant jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mes enfants, je vais me marier. Amen. Voilà. Je t'ai dit tout à l'heure que je voulais parler des. Pendant que tu étais dans le lit, là, j'ai parlé du fait que avant que ton mari ne décède, il y avait quelque chose. Une volonté qu'il avait exprimée. Mm-hmm. Ça, c'est concerne cette volonté, c'est cette chose qu'elle a dit, concerne sa propre famille à lui, sa relation avec sa famille. Mm-hmm. Il s'en est parlé de la famille de ton mari. Oui, je comprends. Quelque chose qu'il avait dit concernant sa famille par rapport à toi. Qu'est-ce qui s'est passé au juste après cela? Mm-hmm. Tout ce qu'il était trop malade. Que... Mm-hmm. Il avait donc. Son corps ici là était gonflé. On est parti opérer. Oui. Dès qu'on a opéré, il a bien trouvé la guérison. Mm-hmm. Il est rentré à la maison. Ça a encore repris. Oui. Il est rentré à l'hôpital. Non, ça a encore repris. Dès que ça a encore repris, on rentre à la maison. Comme il y a ses trois frères, l'autre était petit. Oui. Et celui qui le suivait là, il travaillait déjà. Non? Mm-hmm. Et celui qui travaillait déjà, l'autre était infini, diplômé d'État. Il avait commencé à travailler, il nous a négligé, ne nous regardait même pas. Il ne gérait pas son frère. Non, même un peu. C'est m'en venir insulter et m'insulter, non. Jusqu'à j'ai dit à mon mari que ni vous ni connu avant lui. Mm-hmm. Quand je me suis mariée, j'étais dans la souffrance. Je n'ai jamais eu la paix dans mon mariage à cause de ces gars. Mm-hmm. J'étais une jeune mariée. Tu payes les œufs, deux bâtons, tu fais friter les œufs. Donc, comme je ne mangeais pas les œufs là, je lui donne deux œufs. Et tu payes l'avocat. On fait un avocat, on mange. Tu me dis seulement que le lendemain, si c'est quelque chose, même toi, tu te demandes aussi quelque chose. Il faut seulement qu'on encadre le jour de la semaine. Je ne dis pas que tu ne manges. C'est toujours comme ça que mon mari me disait non. J'ai souffert dans ma vie. Après, quand il a commencé à travailler, celui qui paye sa pension, à collège de Mayomé, à la cité verte, il ne mangeait rien, il ne m'habillait même pas. Il était là comme ça. Il a commencé à travailler. Il est parti par là. Il ne nous gérait même pas. Quand mon mari a commencé la maladie, comme ça, il a dit que, on vous a dit d'accoucher. Deux ou trois enfants, vous accouchez beaucoup. Si vous savez seulement aussi. Tu avais tes deux enfants, si on pouvait même envoyer ton mari en Europe, si on ne pouvait pas manquer l'argent, qu'on va amener ton mari à l'autre, il a commencé à m'insulter. Il a commencé à pleurer. Je suis là, je travaille. Je simplifie mon travail. Tu n'es jamais venu chez moi pour dire que j'ai trait l'enfant ou j'ai trait. J'ai dit que ça dépend. Si tu ne peux pas me voir, venir chez toi, comment? On a amené mon mari à l'hôpital. On a encore fait comme ça, le peu d'argent qu'il avait, on l'a opéré pour la première fois. La deuxième fois, il n'y avait pas l'argent. Et la pension devient un peu la même chose. On opère. Dès qu'on a ramené mon mari à la salle d'opération, on m'a chassé. Je dis que la première fois, on ne m'avait pas chassé. Maintenant, on me chasse pourquoi? C'est que ça ne va pas. Une infirmière sort, elle dit, ouais, la pauvre femme de tout. Elle dit, quand on dit comme ça, c'est grave, mais je l'ai grave. J'entre dans la salle, je vois son ventre. On avait opéré comme ça, opéré comme ça, opéré comme ça. Quand il mangeait, ça sortait qu'il s'y la vevait. Donc même touché, toujours ici là. C'est comme que je veux faire comme mon Seigneur. Je suis avec qui? Je suis avec qui? Je compte sur quoi? Même l'argent pour payer le taxi, pour venir à l'hôpital, je vais trouver où? Son petit frère là commence à parler. Donc avant de lui amener à l'hôpital, non, il vient à la maison, il dit que j'étais en train de tirer le puits. Tu vois, tu ne me salues pas. Tu ne me salues pas. Tu ne me dis pas mais c'est parce que j'ai travaillé sur mon mari, sur ton mari. Hein? Tu sais quoi, les veuves souffrent. Tu penses que si le tir, si meurt, ça va me faire quoi? C'est que j'ai perdu quoi? Il dit que c'est ton frère, fuis-toi. Mmh. Je suis une femme. Tu dis que j'ai dû travailler sur mon mari. C'est mon mari et c'est ton frère. Mmh. Si ton frère, s'il meurt, c'est ton grand frère. Même si tu meurs, tu ne pouvais jamais avoir encore un grand frère. Mmh. Mais moi, c'est mon mari. Même s'il meurt, si je veux me marier, je veux me marier. J'ai dit comme ça, ça m'a fait mal au cœur. Mmh. Quand j'ai dit comme ça, mon mari, il était là comme ça. Quand il était malade là. J'ai commencé à pleurer. Quand il est parti, j'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Il a dit que ne pleure plus. Ne pleure plus, mamie. Reste tranquille. Tu sais que Dieu est toujours comme ça. Mais est-ce que je vais te dire, même si l'enfant tombe malade, comme il dit qu'on n'amène pas l'enfant chez lui, là, quand toi aussi l'enfant tu pars, il dit que jamais, je ne peux même plus. Je préfère, pour que, au lieu que j'amène l'enfant chez lui, je préfère que l'enfant la meure. Je ne peux même pas aller là-bas. Parce qu'il est quoi? Il est le seul docteur ici au monde. Si le seul docteur, je préfère mourir. On a dit comme ça, après deux jours. Et si dehors, j'étais en train de tourner le couteau dans la main. Je vois quand quelqu'un dit, waouh, il crie dedans, il crie. Je dis que c'est même quoi? Je lui vois au sol comme ça. Il se bat au sol. Je lui dis que c'est quoi? C'est quoi? Il dit comme ça. Je vois son. Donc tu l'es sorti. Gonflé comme ça. Et je cours, je pars appeler son grand frère. Celui-ci n'était pas là, il avait voyagé. J'appelle celui qui le suivait. Il vient regarder. Il dit que, ma soeur, l'école est encore gonflée. C'est encore gonflé. On va faire comment? Il commence à pleurer. Et son petit frère, là, celui qui disait qu'il était infirmier du premier, il était là. Il est venu dans le matin, plus que le matin. On l'a amené à la clinique, là, on l'a opéré. On appelle le docteur, le docteur passe même. Il dit que je vais chercher quoi dans le ventre de Tila. Ça fait pas 2 mois que je vais opérer le Tila. Je vais lui opérer maintenant pour faire quoi? Amenez-le à la clinique. Il fait 4 jours. L'endroit là a fait pup. Donc le pus a encore commencé à sortir. On vient maintenant l'opérer. On a vu que ses intestins étaient déjà touchés. On l'a opéré. Je pleure. On ne peut pas faire la couture. Je n'ai pas fait comme ça, passer par là, pour l'argent, j'ai pas au village, j'ai fait la voiture. 2 hommes me trouvent dehors, on dit que les bandits disent tue-moi, je suis encore quoi sur la terre. Je pars. J'ai dit à Jonas que, voilà l'argent que j'ai prêté à tes gens, il dit oui, même s'il meurt, on va toujours rembourser l'argent des gens. Même s'il vit, on va toujours rembourser l'argent des gens. Et ça, il était mort. Je pleure, je dis que comme tu avais dit quoi, tu voulais que je dise comment? J'ai commencé à pleurer, mais je suis entré dans la souffrance. Donc c'est comme ça, voici ma vie. Donc il avait donné, et pour ça on a parlé des instructions qu'il avait données vis-à-vis de sa famille par rapport à ton comportement, par rapport à toi. Ah, quand il était hospitalisé, là, oui, sa tante est venue à l'hôpital. Voilà. Quand sa tante est venue à l'hôpital, il le regarde comme ça. Parce que sa maman était morte à l'âge de 35 ans. Il a pris la main de sa tante. Que maman, donne-moi ta main. Il prend sa main. Marceline, c'est ça. Marceline, que tu la vois là. C'est pas une femme, c'est un nom. La femme, c'est un nom. C'est pas une femme que tu me vois là. J'ai dit Marceline, c'est ça. Voilà tout ce qu'elle avait dit. Ah. La maman là. Et qu'est-ce que tu as fait avec la maman? La maman là. Sa, oui. Sa tante là. Tu as fait comment par la suite quand elle a dit cela? Quand elle a dit comme ça, je n'ai rien dit, j'ai aussi écouté ça. Je voulais dire qu'après cela, quelles étaient vos relations? Votre relation. Est-ce que vous avez continué ensemble, vous entendiez, vous vous fréquentiez? Est-ce que la mère là voulait même voir les gens, même demander l'enfant, rien, même demander. Donc en réalité, ton mari te confiait à sa famille. Mm-hmm. Il dit que c'est une instruction par rapport à sa famille, qu'il faut que celle-ci s'occupe pour moi. Que garde, même demander. En réalité, il touche ici parce qu'en réalité, il y a le pardon, le besoin du pardon. Mm-hmm. Le besoin du pardon. Oui. C'est-à-dire le cœur attaché par rapport à cette famille-là. Mm-hmm. Tu me suis. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu les relâches. Mm-hmm. Parce que tu as besoin d'être relâché aussi. Mm-hmm. Donc, il faut que tu pardonnes toutes ces choses-là, toutes ces choses qui sont passées, toutes ces choses qui sont passées en avance. Véritablement dans le cœur. C'est une chose de dire de la bouche que j'ai pardonné à votre mère. Mais j'avais pardonné ça. Oui. Tu sais ce qui est encore venu dans mon cœur. Bon, le déniné de mon mari. Non, laisse-moi vous dire. Tu avais pardonné ça après, donc tu as encore repris ça. Oui, j'avais pardonné, non. Jusqu'à même si je n'avais même rien. Oui. Sa femme avait accouché. J'ai pris un saut de 15 litres de poussée. Je suis partout marcher payé, non. J'ai écrasé, j'ai payé le pain ici et là. J'ai mis sur ça. Je suis partie donner à la femme. qui m'ont, quand j'ai donné conseil, ils étaient fiers. J'ai trouvé son mari. Oh, maman, c'est Dieu venu. Je suis là dans l'enfer. Comme on disait l'enfer, je ne savais pas. On dit l'enfer aussi, et ici, bas. L'enfer n'est pas. Il dit, Jonas, pourquoi tu dis ça? Laisse-moi. Pardonne-moi de tout ce que j'ai été fait. Pardonne-moi. Il dit que Jonas, tu dis que je te pardonne. Je ne suis pas Dieu. Mais moi, j'ai fait les erreurs. J'ai fait les erreurs. J'ai fait les péchés même 10 fois, même 100 fois par jour sans te rendre compte. C'est le Seigneur qui va te pardonner. Il s'est mis à genoux devant moi. Je lève toi. Même moi, mes péchés sont comme ça. C'est le Seigneur qui va te pardonner. Maintenant, tu sais, même quand il était inféré, c'était fini comme ça. Depuis que j'ai eu le peur, dit que quand je me suis mariée, je ne mangeais pas. Seigneur, toi-même, tu vois tout. Mon mari disait que ce Jonas-ci, qui serait ton étoile, Jonas, te voilà. Tu as commencé le travail. L'argent. Le Seigneur, tu nous as oublié. Le Seigneur t'a donné l'argent. Ma part de merci, tu es venu m'insulter. Tu es venu m'insulter. Je ne mangeais pas. Je ne portais pas l'habit. On disait que c'est toi qui étais mon étoile. Regarde ce que tu me fais aujourd'hui. Tu m'as abandonné. L'argent là va partir. Donc tu l'as maudit. L'argent là va partir. Elle a mis les Mireille. L'argent là va partir. Mon mari tombe malade. Tu m'insultes avec l'argent. Jusqu'à ce qu'il meure. Jusqu'à ce qu'il meure. Tu ne regardes pas les enfants. Jonas, l'argent là. L'argent là, c'est l'argent de mon mari. La sueur du front de mon mari comme ça là. Tu as l'argent. Tu ne me vois pas. Tu m'insultes. L'argent là, Seigneur, tu vois tout. Mets-lui à sa place. Moi, j'ai dit comme ça. Le gens qui avait tué son père. Il est venu et lent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris maintenant que l'enfer là. Il a prêté l'argent pour aller payer la moto. Là où il avait payé le terrain, il est parti construire. Lui-même. Il tenait la terre pour faire les prix pour construire. Lui-même. Sa maison. 3 chambres. Il est dedans. Quand j'ai dit comme ça, l'argent est fini. Le jour que sa femme avait accouché, il m'a appelé. Quand j'allais regarder, je ne gérais même plus. L'autre jour, il vient au quartier, il trouve son ami. Son ami dit que, Jonas, tu ne descends même pas. Au fin goudron là, tu ne descends même pas regarder les enfants que ton frère a mis. Les enfants de quoi? J'ai parti là-bas uniquement pour regarder mon frère. Quand mon frère meurt, je considère qu'il n'avait même pas d'enfant. Il dit comme ça à son ami. Et son ami, il dit. Ça m'a fait très mal au cœur. L'autre jour, après la mort de mon frère mari, le vicien, la petite soeur de Mireille, l'enfant était malade. Il sentait mal, cela, c'était incroyable. Je dis que mon mari allait dire ceci, cela, j'ai apporté l'enfant là-bas. Ma sœur, tu as payé le carnet. Je me regarde comme ça. Il me demande si j'ai apporté le carnet, comme ça, sur son enfant. Il dit que non. Pourquoi tu n'es pas venu avec le carnet? Je n'avais pas. Je m'assois. Il me regarde. Qu'est-ce qu'il ne va pas? J'ai fait le coup de Christian. Il regarde. Il examine. Après, il dit qu'on passe au marché central payer tel remède. Si ça ne finit pas, c'est que c'est le gonflet, comme l'autre gonflet qui était passé. Il dit comme c'est l'écho de mon mari qui était gonflé, non. Il me dit ça. Il te rappelle encore l'histoire. Oui, il me rappelle comme ça. On passe à l'hôpital, au marché central, il me donne le remède, Dieu merci. C'était. Mais là, dans ton cœur est attaché. C'était fini, non. L'autre jour, il m'a parlé de moi. Ça me dit. Je prends la voiture. Tu parles de 4 mots. Comme il habitait encore chez son grand frère, il ne savait pas son grand frère. Il ne voulait pas voir son grand frère. Et après, ses 3 enfants que chez lui, il n'aimait pas voir son grand frère. Parce que son grand frère n'a pas l'argent. Tu es venu. Tu ne savais rien faire. Je fais la porte. Bam! On se tue. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as parlé de moi? Tu vis. Qu'est-ce que tu as parlé de moi? La condamne d'aujourd'hui, ni vu, ni connu. Tu avais dit que quand mon mari meurt, je vais souffrir. Je ne souffre pas. Le Seigneur me garde. Je ne mange pas. Et je n'ai pas d'habit. Mes enfants ne s'habillent pas. Mais le Seigneur me garde. C'est toi qui souffres. Tu dis que tu travailles. Ton travail là, tu vas voir tes propos. On se discute. Vous êtes engueulé copieusement et bien. Correctement. Sa femme vient, elle ouvre la porte, ça la tire. J'ai dit, mets toi là-bas dehors. Que ce n'est pas Anne, ça ne te dérange pas. Ne pas se cacher, elle s'est restée. Dès que j'ai fini, je suis partie. Sans rien dire. Ça me touche le cœur. Jusqu'à sa femme avait accouché, sans qu'on ne sait plus. Avant entendre rien, je dis que Seigneur, pardonne-moi. Mm-hmm. Et je vais payer les choses pour aller là-bas. Mm-hmm. Et qu'il a crié que, comme l'argent était fini, même lui, son argent était fini, mm-hmm. il n'a pas prêté l'argent pour payer la moto. Il dit que dès qu'il passe la moto, personne ne monte. Personne ne monte sur la moto, non. Il dit que c'est sa femme qui s'est débutée. Et vous voulez maintenant faire le être moto-taxi pour transporter oui, les gens. Oui, pour avoir même quelque chose. Il se rend compte quand il a acheté sa moto, les clients ne viennent pas vers lui. Mais ce n'est pas toi qui l'avais maudit comme ça pour que l'argent finisse. Je ne sais pas. Moi, j'avais seulement parlé ce qui m'avait énervé. Je ne sais pas. Parce que j'aimais le dealer. Grave seulement, jusqu'à dépasser même mon petit frère. Je te dis. Bon. Le jour que je suis partie là-bas, il a pleuré. Il a pleuré. Son femme, sa femme me dit que, maman, tu comprends comme ça, je vais divorcer. Je suis heureux dans notre famille. Toute ma famille, personne n'a rien. Ils tous comptent sur moi. Et il pleure qu'il n'y a rien. Il veut quoi? Il veut quoi? Tu comprends comme ça, moi, je porte l'enfant, je. Je lui dis que ne pas attends. Il n'a pas bien connu que tu dois. Je dis à Jonas que tout ce que tu m'as fait. Dieu au Seigneur, tout ce que tu as mal parlé de gens, tout ce que tu as fait du mal aux gens, les récits, pour tu demandes au Seigneur que le Seigneur te pardonne. Je ne peux pas te pardonner parce que mes frères sont aussi beaucoup. Je ne peux pas, c'est le Seigneur qui va te pardonner. Je dis que ma soeur, je n'entends pas. Quand je me couche comme ça, le sommeil ne vient pas. Quand il a dit comme ça, je suis parti, non, j'ai enlevé ça dans mon cœur. J'ai enlevé ça dans mon cœur. L'autre jour, il vient me dire que moi, pardon, amène-moi chez la mère, là, s'il te plaît. Mais je n'ai pas la. Bien, il dit que de rien. Chez Pauline, là. Oui. Oui. Il dit que de rien. Viens, on part. On part là-bas. La mère, elle dit que pourquoi tu es comme ça? Tu es trop dur. Tu es comme ça, pourquoi? Les enfants qu'on t'avait laissés là, tu as abandonné les enfants là, pourquoi? Jusqu'à tu dis que j'ai la malchance. C'est toi qui es cause de ta malchance. Tu as fait comment? Tu penses que ton grand frère qui est mort, il ne voit pas. Il voit tout ce qui se passe ici sur terre. Les morts ne sont pas morts. Il a raté, il a raté. Il a fait comme ça. Tout ce que la mère a parlé, je suis partie quelque part, ma femme a amené quelque part, on a toujours raté comme ça. Et la mère a dit que ce que j'avais te dit, il faut qu'on lui lave. On lui lave. Tu vas lui donner 5000 5000 ou bien c'était 5600, 5000 francs comme ça là. Il y avait. Tu vas payer le poisson fumé là. Un jeteur d'huile, le sel, la cola, le jujube. Il y avait l'argent pour payer. Et je vais payer tout ça. J'ai payé, non. J'ai amené. Il y a un chez l'enfant, la maman là. C'est là où il me dit comme là. J'ai trouvé ma guérison, c'était ma roue. Ce que j'avais fait, j'ai fait tout ça par ignorance. Mais à compter de ce jour, je ne peux plus te négliger. Bon, maintenant, ça veut dire que comme tu es là, comme tu sais que tu n'as plus mettre les pieds chez le marabout. Je sais. Je sais ça. Si mamie Pauline, maintenant. Ma bouche. Mais si mamie Pauline là, t'a appelé, elle dit qu'il y a un danger qui arrive là et que tu viens, on te lave, tu vas faire comment? Non. Non. Donc, je vais résumer tout ce qu'on a dit ici aujourd'hui. Si ça te dérange pas. J'ai commencé par parler de ce rêve. Oui, tu voulais parler. Oh, comme je t'ai dit que j'ai encore gardé Jonas dans mon cœur là, non? Oui. C'est parce que son petit frère a perdu sa femme. La femme est partie à l'hôpital pour accoucher. Elle était morte. Elle a un accouchement difficile. On m'appelle à 22h. Je dis, pourquoi j'ai même décroché le téléphone? Les enfants, c'est des dérages. Ils m'appellent comme ça parce qu'ils veulent l'argent. Parce que quand ils disent que prennent l'argent, j'appelle, je leur donne. Après, on ne me remet pas. Personne ne me regarde, on m'abandonne. C'est moi qui vais encore rembourser. Ça m'a énervé. Et comme j'ai déjà décroché, là, j'ai fait comment? J'ai tapé pour dire qu'Alice est à l'hôpital. Depuis qu'il a accouché, il saigne ses mains. Je dis, ouais, il m'appelle comme ça que je donne l'argent. L'argent. J'avais 100 000. Je sens, mais je sais, prends les 100 000 ici. C'est l'argent, on l'a renoncé. Prends les 100 000 ici. Ça va finir à l'hôpital. Personne ne va pas me rembourser. Sur 100 000, j'ai pris 30 000. Je monte. Il m'appelle encore. Ça ne va pas, on a dit qu'on va l'évacuer à l'hôpital général. C'est comment? Je ne sais pas, ça ne va pas. Woma, j'arrive là, Woma. Ça, c'est même quoi? Je prends le taxi. Pip. J'arrive même dans le taxi. On arrive à l'hôpital général. Il dit que chauffeur, s'il te plaît, l'hôpital général est où? Je dis que madame, voilà l'hôpital général. Je sors, je prends mes mains comme ça. J'arrive. La femme était déjà là. J'ai pleuré à l'hôpital. On appelle les téléphones à 22h. Et j'appelle. Je prends l'hôpital sur Jacques. Et son mari me dit que maman, là, on dit qu'on donne 10 000. pour le bébé. J'ai dit que voilà Jimmy, j'ai commencé à pleurer, j'ai dérangé l'hôpital, Non, mais le bébé n'est pas mort. Non, le bébé était là, c'est sa mère qui était décédée. On appelle Jonas qui est dit là, il ne passe pas. À minuit, son grand frère vient avec quelques frères de la femme. Jonas est passé, sa femme est passée, je dois à l'hôpital. Jusqu'au matin. Oui, oui, c'était à 2h ou 1h comme ça. Le frère de la femme vient. Il dit que tu sais qu'elle a laissé le bébé, il n'y a pas moyen. Est-ce que je veux vous dire, il faut qu'on porte ma soeur. On rentre à la maison avant lui. Demain, le lendemain, on part l'enterrer. On m'appelle. J'arrive à passer comme ça. La mère, c'est comme ça. Oui. Ferme ma bouche. Je me recule derrière. Je l'écoute. Après, c'est reti. Il appelle son nom. Tout le temps, il dit, oui, je... Tu as des amis. Tu fais les réunions. Ta femme faisait la réunion. On te dit qu'on va porter ta femme pour aller mettre chez toi demain. On parle d'enterrer. C'est toi qui dois ouvrir des gens, là. Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il n'y a pas l'argent. On est là à la morgue. C'est juste pour nous raconter avant qu'on apporte le corps de Alice pour mettre à la morgue. C'est juste qui a donné l'argent de la morgue. Son oncle est passé. Non. Le lendemain, à 9h, il sort, il fait son moto taxi jusqu'à 9h. Comme Alice était mort à 22h là. Il vient à 9h. J'ai commencé à pleurer. Tu viens maintenant faire quoi? Avant de dormir, que je suis dormi où? Moi-même, je suis dormi où? Tu as travaillé, non? Tu dors bien avec tes enfants, non? Tu as bien fait. Je pleure, je pleure. Sa femme n'est pas venue. Sa femme se lève le matin. Elle a d'abord fait ses bénis. Elle est venue à 11h. C'est là où ça a encore rentré dans mon cœur. J'ai dit que ni vous ni restez de votre côté, moi je reste de vos. Sur ton petit, c'est comme ça, la femme de ton petit frère, tu fais comme ça. Si c'était moi, la veuve de ton grand frère, c'est que tu ne pouvais même pas passer. Non, c'est ça qui m'a fait mal. Donc il faut pardonner, n'est-ce pas? Je veux pardonner. Voilà. C'est ce que j'ai vu. Donc il faut pardonner pour que tout cela ça se fasse. Parce que maintenant c'est marcher dans la lumière, avancer avec Dieu. Tu ne dois pas avoir quelque chose qui va te demander à ça. Oui. Donc je résume. J'ai parlé ici des rêves où il y a des danses avec des quelqu'un qui est décédé et quelqu'un qui porte le masque. Oui. Et là, on t'a empoisonné. C'est ce que j'ai dit. Oui. J'ai parlé de cet homme-là, de la vie de péché après la mort de ton mari. J'ai parlé de cette confidence que tu as faite par rapport à sa famille avant sa mort. J'ai parlé par rapport à cela. Donc, en résumé, tout tourne autour de cela. Mais tu as aussi parlé de cette femme marabout que tu rencontres, qu'il faut lui dire qu'elle descend parce qu'elle est au bord du gouffre. Elle a des problèmes. Si c'est tiens, devant m'avait parlé avec cet esprit qui parle en elle. Il lui faut la délivrance. D'accord. Donc ça c'est pour le message pour celle-là. Au-delà de cela, non, il te faut la prière. Il te faut la prière, d'accord. Et on va venir à Yaoundé si tu veux bien nous inviter. Si tu veux bien que nous venions à la maison, on va venir. D'accord. Mais si tu veux qu'il y envoie des frères, ils vont venir, ils vont passer du temps là-bas pour vous former dans la parole. Afin que vous sachiez maintenant que c'est comment il faut manger. Il faut que tu saches que quand, comme la Bible c'est devant nous, s'il y a n'importe quoi que tu fais avec Dieu, c'est la Bible qui doit dire. On ne peut pas chercher pour Dieu, n'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Il va falloir qu'on vous explique beaucoup de choses dans la parole. D'accord, mon frère. Tu es rentré pour le baptême. Ok. À moi, si tu veux dire quelque chose, va dans la chambre, je te mets à genoux, je demande de parler à Dieu pour toutes ces choses, pour toutes ces choses. Quand on va te baptiser, ça sera terminé. Maintenant, on va prier pour ton enfant. Parce que le temps qu'on part pour baptiser, il finit avec ceux qui sont au salon. Sinon, il faut qu'ils sortent de moi. D'accord. Il y a quelque chose que tu veux demander. Il n'y a pas de. Je dis d'abord avant d'aller. Oui, va demander. Prends ton temps. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Que Dieu te pardonne cette mauvaise vie, toutes ces fréquentations, particulièrement le marabout et les choses que tu as, les pratiques que tu as fait au village. Tu as parlé avec le culte de mort, tu as parlé avec le mort. C'est ça qui t'a entraîné à te laisser dans le mort, dans le songe, mais on vient te parler, le mort même vient te parler dans le songe. Donc va, demande pardon à Dieu pour cela, d'accord. Dès que tu finis là, on va aller pour te baptiser. Que le Seigneur te bénisse. Donc, viens, il te demande quelque chose. Maintenant, il y a des familles qui souffrent les mêmes choses que tu as souffert, n'est-ce pas? Et là, tu as eu la grâce que Jésus entre dans ta famille. Si les familles qui sont dans le monde entier, et particulièrement les familles Bamileke, tu connais comment les familles Bamileke font avec le culte des crânes, les marabouts. Si y a des mamans qui sont dans les mêmes problèmes comme toi et qui cherchent les marabouts, qu'est-ce que tu vas leur dire? Que ce n'est pas bon, ce n'est pas la bonne voie, qui ne font plus ça. Ils entrent que dans la prière, demandent au Seigneur. Dans au Seigneur. Et ceux qui vont au village pour aller faire les choses sur les têtes des morts, faire les trucs. On dit qu'on lave la marchandise au village. Est-ce c'est vrai? Ce n'est pas bien. Mm-hmm. Mais pourtant, toi, tu le faisais. Mm-hmm. Maintenant, qu'est-ce que tu peux conseiller à cette femme-là de faire? Non, que ce n'est pas bien. Qui prie seulement. Okay. Qui donne la vie au Seigneur. Amen. Mm-hmm. Alors que le Seigneur te bénisse. Mm-hmm. Va prier. Ferme ta porte, je prie, d'accord? Mm-hmm.